On a des tempêtes de neige sur Mars, Mathieu. Non. Ben oui. Ça tombe en rafale. Ça l'a tombé en rafale pendant la nuit. Et il y a des scientifiques qui ont modélisé l'atmosphère martienne et des nuages de glace. Donc, l'atmosphère de Mars, présentement, est très froide. Elle est mince et il y a des nuages de particules de glace qui peuvent se former. Même si la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère reste quand même assez faible par rapport à la Terre. Donc, si on regarde ça comme ça, on le sait que Mars, c'est selon les recherches et selon les conclusions qu'on en a eues, la planète qui ressemble le plus à celle qui est la Terre. Ouais. Ben justement, avec la neige, on a peut-être encore plus une ressemblance. C'est on a des flocons d'eau qui tombent. Des nuages qui sont élevés dans l'atmosphère de la planète présentement. Et flocons d'eau, c'est le surnom des flocons d'aluminium. C'est ça. Quand c'est raccourci, flocons d'eau. T'as tout compris. Ouais. Ça atteint parfois le sol et ça laisse un givre qui est quand même assez irrégulier. Donc, c'est une étude qui a été publiée un petit peu plus tôt cette semaine dans le journal Nature Geoscience. Mm-hmm. Et la neige s'accumule pas. Parce que, bon, hein, on n'en a pas assez pour skier, là, par exemple. Ils n'ont pas encore de charrues là-bas. C'est ça, exactement. Ils se sont dit, on peut pas faire d'accumulation, gang. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il y a quand même des tempêtes de neige qui se déroulent principalement la nuit en raison du refroidissement des particules de glace dans les nuages martiens une fois le soleil couché. Donc, en 2008, on avait une station météorologique canadienne qui était installée sur une sonde, qui était la sonde Phoenix, qui avait justement détecté de la neige qui tombait des nuages au-dessus de la planète rouge et les cristaux qui avaient été observés se transformaient en vapeur avant d'atteindre la surface de la planète Terre. Mais les chercheurs croyaient à l'époque que les particules de glace d'eau tombaient lentement sous l'influence du poids. Mais, il y a un gros mais. Ah oui. Mais oui, parce que les recherches qu'on a fait dernièrement, qui sont basées sur des modèles informatiques, démontrent que c'est pas le cas. En fait, les chutes de neige sont provoquées par des vents qui sont extrêmement violents. Donc, en plus de faire froid, ils ventent. Les précipitations de neige se font par des courants, en fait, qui sont descendants, qui sont extrêmement violents. Et une particule de glace peut tomber en 5 à 10 minutes. On s'entend-tu que c'est pas mal plus rapide qu'ici, hein? Ouais, hein? Donc, on espère que personne se promène sur la petite planète présentement. Mettez vos combines. Et c'est ça, exactement. Il y a des chercheurs, bien évidemment, au laboratoire de météorologie dynamique à Paris qui se penchent sur la question. Et comme on le disait, il n'y a pas d'accumulation sur le sol. On ne peut pas faire de bonhomme de neige. L'auteur principal de l'étude ajoute qu'il n'y a pas assez d'accumulation sur la planète rouge pour pouvoir skier, pour pouvoir faire un bonhomme de neige. On parle vraiment juste de changement de température à ce niveau-là. On pourrait faire un après-ski quand même. Oui, ben oui, certainement, si on peut faire ça n'importe où. Et la neige martienne ressemblerait pas nécessairement aux flocons de neige qu'on connaît, nous, ici, sur la Terre, qui sont quand même assez délicats et on le sait, c'est quoi? C'est les chouvillois qui vivent dans les flocons de neige. Ah, wow! Dans le Gréchus, oui, c'est ça, exactement. Ouais. Mais ça ressemble plutôt à des morceaux de glace minuscules de quelques micromètres, donc un millionième de mètre d'épaisseur. Donc, c'est très, très petit. C'est pas la même chose qu'ici. Et selon les chercheurs, le fait qu'il y ait si peu d'eau dans une atmosphère aussi mince, ça peut avoir un effet aussi prononcé sur le mélange de l'air qui démontre qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur la planète rouge parce qu'on se rappelle qu'on avait quand même dans l'idée d'aller faire quelques petits voyages sur cette planète-là dans les prochaines années pour voir si on pourrait, par exemple, un jour, peut-être, y faire certains voyages spatiaux. Eh bien, pour le moment, on se pose la question parce que là, on se rend compte qu'ils vendent pas mal plus qu'on l'aurait pensé. On vient de parler de neige, mais parlons maintenant de glace abondante sur la surface de Mars. Mmh. Parce qu'on semble avoir un petit peu la même tendance météorologique pour la planète Terre, ou du moins pour le Québec et la planète Mars. Les mêmes inconvénients. C'est que Mère Nature, c'est pas tant ce qu'elle veut, tu sais. Ouais. La planète Mars, en fait, on l'a dit tout à l'heure, on a de la neige, mais ça recèle aussi de multiples dépôts de glace qui sont hors des zones polaires. Donc, parfois, à seulement 1 ou 2 mètres de profondeur, on fait de précieuses ressources potentielles d'eau qui sont facilement accessibles pour, par exemple, de futures missions humaines. Donc, on pourrait avoir de l'eau à ce moment-là. Mais c'est une glace qui paraît relativement jeune. qui pourrait aussi révéler l'histoire climatique de Mars qui reste un petit peu à élucider. On ne sait pas trop ce qui se passe au niveau météorologique sur cette planète-là pour le moment. Et les scientifiques ont établi 8 zones dans lesquelles l'érosion a exposé des pentes raides, des quantités importantes de glace qui sont très près de la surface. Et l'étude de base se base aussi sur des données qui sont recueillies par Mars Reconnaissance Orbiter, donc MRO, qui a été lancé en 2005 par la NASA. Donc, même la NASA se pose la question, mais que se passe-t-il avec ça? Et c'est un type de glace qui est beaucoup plus répandu qu'on le pensait auparavant, surtout sur cette planète-là. Donc, il y a des géologues, bien évidemment, américains, qui se posent pas mal de questions présentement. L'existence de glace dans le sol martien, c'est connu quand même depuis longtemps du monde scientifique, mais il y a de nombreuses questions qui arrivent face à tout ça parce qu'on a une bonne épaisseur. Et c'est l'accumulation là, qui fait poser quelques questions. On se pose les questions par rapport à l'épaisseur, on se pose les questions par rapport à l'étendue, par rapport à la pureté aussi de cette glace-là. Et les pôles martiens sont recouverts de glace présentement. La sonde MRO, qui est en orbite autour de Mars, avait détecté la présence d'épais dépôts de glace qui étaient enterrés un peu partout sur la planète. C'est une découverte qui a fait l'objet d'une publication en 2010 dans un magazine scientifique, mais les scientifiques avaient avancé l'hypothèse que peut-être qu'il s'agirait de restes de glaciers qui avaient déjà existé il y a des millions d'années, quand l'axe de rotation de Mars était vraiment différent. Mais là, on se rend compte que les fractures et les angles qui sont quand même bien définis sur les dépôts de glace présentement indiquent que la glace est très compacte, elle est très solide. Donc, les variations dans la couleur de ces dépôts-là laissent penser que la glace est formée de couches distinctes et qui pourrait aider aussi à comprendre les changements climatiques dans l'histoire de Mars. Mais pour le moment, on en a plus qu'on en avait. Donc, ça les effraie pas nécessairement parce qu'on s'entend que présentement, on n'en voit pas personne là-bas. Mais ce sont des statistiques qui sont probablement qui sont bonnes pour le monde scientifique et qui sont bonnes aussi pour l'avenir des astronautes qui vont peut-être se rendre sur cette planète-là. Et on parle aussi que probablement que l'accumulation de glace et de neige est formée avec de nombreuses saisons qui sont différentes, mais qui passent d'un extrême à un autre. Donc, écoute, c'est nébuleux. C'est très, très nébuleux, mais on se pose les bonnes questions. On cherche justement à savoir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Mais on le sait, l'eau, c'est quand même une ressource essentielle. Et si on la combine avec du dioxyde de carbone, qui est du CO2, mesdames, messieurs, bien, ça forme l'essentiel de l'atmosphère martienne présentement. Donc, on peut produire de l'oxygène pour respirer, ainsi que du méthane, un carburant qui est un moteur pour les fusées. Et c'est une eau qui pourrait être aisément accessible avec des grandes quantités de glace, simplement à quelques mètres sous la surface de ces pentes-là. Donc, il y a des lieux riches en glace. On a trouvé des sites avec des latitudes d'environ 55 degrés nord et 55 degrés sud, ce qui fait que durant un long hiver martien, par exemple, on pourrait devenir très, très, très, très froid, mais pour les bases humaines, on serait dépendant de l'énergie solaire. Il faudrait réussir à se réchauffer à ce niveau-là. Et c'est la raison pour laquelle la NASA veut limiter la recherche de sites d'installation d'astronautes à au moins 50 degrés de l'équateur de Mars. On ne veut pas aller trop profond parce que ça va être beaucoup trop froid. Probablement que nos astronautes ne réussiraient même pas à passer au travers de ce froid-là. Donc, on espère au niveau scientifique que la surprise des grandes découvertes de la quantité de glace qui est près de la surface du sol dans les régions tropicales martiennes puisse justement amener certaines solutions à ce qu'on pourrait faire dans un futur quand même assez rapproché au niveau de scientifique, parce que bon, on veut envoyer des gens là-bas, on veut voir à quel point est-ce que ça fonctionne sur cette planète-là, si jamais on voudrait par exemple un jour y envoyer des humains. Eh bien, ça semble quand même potentiellement bon. Et c'est sûr qu'il reste beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et de toute façon, les gens, ce qu'ils veulent, s'ils déménagent sur Mars, ils vont vouloir pouvoir encourager les Canadiens quand même. Ben oui, c'est sûr. Ils vont avoir de la glace et ils vont pouvoir jouer au hockey. C'est clair. C'est ça qu'on veut. C'est l'important. Ben oui, tout à fait. Bon. Tout à fait. Merci, Tania. Véronique Mire, qu'on accueille. La voici avec la première de 2018. La première, oui, Véronique Loupédi. Voilà. Mmh.